Et voilà, ça y est, on est là. Bonsoir. Bonsoir. Je sais pas s'il y en a beaucoup de monde. Bonsoir. Parce que Bonsoir. je teste de nouveaux trucs et je sais pas du tout comment ça marche. C'est bien hein, de tester ça pour ce soir. Bravo. Ça Faut m'embête bien vite. tester, hein. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Bah j'ai pris les. Ouais, en fait, je teste en streamant à la fois sur Twitch et sur YouTube. Comme ça, de YouTube, je vais pouvoir sortir ça en MP3 après et mettre en podcast audio uniquement. Pour ceux qui m'ont demandé, qui râlaient. Voilà. Pour l'histoire, pour archiver après, c'est ça? Exactement, tout à fait. Parce que c'est important de savoir ça. Ben ouais. Bon, alors les limes, ça va? Vous allez bien? Une Oui, fois. très bien. Très bien, Oui. très bien. Content de votre tournoi? Très Bah, un rapide. peu déçu du tiebreaker perdu en demi quand même. Ouais. Ouais, surtout que vous aviez. Moi j'ai regardé après pour le coup, parce que voilà, mais vous aviez le tie-break. Si on avait pris en compte les poules, vous étiez large au-dessus, quoi. C'est ça, c'est Ouais. ce qu'il disait. Hein. C'est que dans les précédents tournois, comment dire, bah, il prenait les. C'était le tiebreaker, comment dire, c'était le tiebreaker Global. principal, alors que là, au final, c'était les casses. C'était les casses et tout ça. Donc bon, c'est vrai que. Ouais, c'est un peu Ouais, dommage, mais ça va, on n'est pas affligé, quoi. non, mais On n'a bien pas sûr. perdu le match au final, on porte les poules. Donc c'était cool, c'était un bon tournoi pour nous. Ouais. Bonne ambiance dans le quatuor, c'est assez sympa. Puis voilà. Si on fait un bilan global des phases de poule, la caractéristique, c'est qu'on a très peu perdu de matchs. On a perdu deux matchs en phase de poule. Ça, c'était bien. Ouais. On était un peu surpris de se retrouver finalement en premier parce qu'on n'a pas non plus tout éclaté, mais on a été solide, quoi. Donc ça a suffi. Régulier, Ça a suffi. Et puis sur les playoffs, bon ben. On perd au tie-breaker je suis encore contre les Italiens, quoi. contre les Italiens, ouais. On Qui fait un passent bon match. ras la casquette en playoff d'ailleurs, mais bon. Ouais. Ça aurait pu le faire, mais Ouais, bon, c'est comme ça. j'assume pleinement la responsabilité de la défaite en Mais playoff. non, C'est un c'est match-up collectif. favorable. Non, mais si. Il faut le dire, Bon, ok, hein, je c'est de pense sa que. faute. Non, Voilà, je j'ai des regrets parce que c'est un elf pro, c'est un match-up sur lequel je me régale en général. Et on avait préparé un truc super sympa avec Maël. Si vous voulez voir le premier tour du match, enfin, avant le premier tour du match, pour voir comment c'est placé en défense, à 5 sur la loge. Alors. Vraiment bossé à autant avant un match de football sur Fumble, tout ça pour. Une grosse connerie pour moi, c'est-à-dire que je prends au téléphone mon buteur et que je bute. C'est un attaque châtaigne qui est quand même très précieux contre le pro. Et derrière, bah, il se fait agresser et il sort. Et là, le match-up, il change un peu de moi. Donc, Ah, voilà. Mais c'est vrai que ouais, c'est dommage, mais tu as clairement payé c'est très très cher précieux de la cette. performance. Tu as clairement payé très Ah, cher ce bah, choix. ouais, ah oui. Ah, bah, après, ce qui est bien, c'est que c'est le genre de choses où tu sais que tu le referas pas derrière. Il n'y a pas d'inquiétude. Eh ben, on te le souhaite Voilà, encore. quoi. C'est sûr. Hein. Quand tu dis de ne pas Non, refaire derrière, c'est un double scull ou de le relancer? non, surtout c'est des mecs autour pour que même si je fais double panne, bah au pire c'est pas grave, il pourra pas se faire agresser. Très bien. Bon, très bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait. Donc là, ça y avait. On va passer aux questions. Allez. Je vais Ouais. commencer, Fox, si tu permets, parce Vas-y, que vas-y, vas-y. c'est deux questions en une, en gros. C'est typiquement une question qui a été posée 150 fois au mec, au MVP, la semaine dernière. Donc si vous l'avez pas Ah. préparé, c'est votre L'équipe problème, B, hein. ouais. Tu parles de la deuxième colonne de l'équipe de France, c'est ça? L'équipe B, D'accord, ok. ouais. Quel est votre ressenti sur les rosters que vous avez joués? Donc c'est une question pour chacun d'entre vous. Hein. Quel est votre ressenti sur les rosters que vous avez joués? Et envisagez-vous des changements à faire sur votre compo? Le premier qui Je veux veut bien peut commencer. parler. Si Bah, Olivier, si t'as pas de métro qui passe à côté de toi, parce que pour le coup je le dis aux gens qui étaient. Enfin voilà, toi t'es encore dans le métro, dans le RER ou je sais c'est quoi. Donc tu peux prendre la parole tout de suite si tu as. Si tu as un timing, parce que tout à l'heure quand tu parlais avec le métro qui passait à côté, c'était assez difficile. Bon, vas-y, Alex, commence. Allez. Non, le ressenti avec les Sylvains, ça a été. C'était ce que j'étais content, c'est que l'interface fumble commençait à plus devenir un problème. Donc le Tour de France a au moins servi à ça, donc ça c'était très bien. Après sur la compo, moi je garderai la même, mais on va tester tackle pour voir, puisqu'on voit que bah, les frénétiques à ce niveau-là, tout le monde sait bien les gérer. Mais n'empêche qu'il y a le côté passif où les gens se placent pas de la même façon s'ils ont ce frénétique en phase 2. Voilà, il y a ça encore à tester sur plusieurs matchs pour valider. Mais autrement, bloc, lutte, arracher la balle et leader, ça bougera pas. Ouais, c'est et moi, ouais, c'est ça. Oui, je suis assez classique. Et moi, en Sylvain, ça a été aussi acté, donc ça bougera pas non plus. Donc il reste juste ce acté. T'as quand même perdu un match, mec. Attends. Oui. Sur 8 matchs, c'est pas terrible, quoi. T'as perdu un match. Non, qui comptait super, qui était super important. Je sais, mes collègues me l'ont dit, j'étais fouetté, pas en place publique, heureusement. Ouais. Donc, on fera mieux la prochaine fois, enfin, on espère. Si on fait là aussi bien, c'est pas si mal, en fait. Hein. Oui, c'est, non, clairement, 6-1, non, c'est très bien, ouais, c'est un bon résultat. On peut pas dire le contraire. Ok, donc voilà, donc pour toi, tester le tackle à la place du frénétique. Ouais, voilà. Puis après, faut travailler avec les collègues. Hein, quand on a débriefé les matchs, remontrer les petites erreurs ou les grosses parfois. Donc ça, c'était intéressant aussi. Donc, ça va continuer pendant un an, c'est encore. Enfin, 10 mois maintenant. Ouais. Ok. Clem. Je vais dans le. Alors moi, je suis passé en humain, donc j'étais en scaven avant. Donc je suis passé en humain juste avant le tournoi. Donc c'était encore un peu expérimental, même si je commençais à avoir un peu confiance dans le roster. Le roster est un peu bizarre dans le sens où j'ai pas de passeur, donc ça c'est un peu particulier, mais par contre je pense que, donc pour ceux qui savent pas, je joue un roster Carla avec un ogre, 3 blitzers et 2 receveurs, et avec chef sur un receveur d'ailleurs, et donc ça veut dire que je porte au receveur, j'ai une équipe qui est du coup assez mobile en humain, et ce qui est pas mal du tout. Je pense que le piège à éviter, ça aurait été de jouer Zugu et la bête, que bon, les résultats de l'Euro ont montré que c'était pas forcément un roster au top, on va dire. Carla, j'en suis très content, je trouve qu'elle fait vraiment le taf, surtout cette esquive qui lui permet d'avoir une mobilité vraiment sympa. Du coup, je pense qu'en humain, le roster tient largement la route. Après, on a étudié un peu les rosters qui se sont joués par les autres équipes, bien sûr. Et au niveau humain, un roster qui est intéressant, c'est celui de Simon, qui a joué un roster sans champion et qui a eu des bons résultats avec. Voilà, on réfléchit sur des évolutions du roster, mais en l'état, pour l'instant, j'en suis très satisfait. Ok. Olivier ou Sam? Bah, je prends la suite, ça, du coup. Vas-y. Alors, moi les Bretons, du coup, c'était le premier tournoi que je faisais avec. J'avais pas beaucoup, beaucoup de matchs dans les pattes. Et au final, j'avais fait pas mal quelques matchs test quand même, notamment avec Mister Steel Cool, là où on enchaînait pas mal de matchs. Et c'est vrai que, comment dire, j'étais pas sûr. Enfin, il y a certains matchs, où je pense que le manque d'expérience, ça s'est bien senti, notamment contre du plus lourd, comme le Nain et le Hold Alliance, où justement, je pense que, comment dire, j'analyse mal le match-up, ou enfin je le joue mal, et ça fait que je peux arracher que le nul, entre guillemets, et encore c'est compliqué. Mais en tout cas, sinon, le potentiel de défense, j'étais assez impressionné par les Bretonniens, justement, parce que même en sous-nombre, c'est avec les parades et tout ça, et les glissades contrôlées surtout, ça faisait pas mal de taf. Et comment dire, par contre, le gros problème, moi, que j'ai repéré, enfin où j'ai eu pas mal de mal, même si t'as beau, au final, c'est de tenir une attaque en 8 tours, c'est assez compliqué. Enfin, autant une attaque rapide, ça passe, mais une attaque, je trouve, posée en 8 tours, je trouve que c'est un peu plus complexe à aller chercher. Et c'est pour ça que là, récemment, j'ai testé un Frenzy à la place d'un glissade contrôlé, parce que je me suis dit que ça pouvait apporter un peu plus sur l'attaque. Justement, comme disait Alex, l'adversaire se positionne différemment sur les côtés quand un frénétique. Et donc ça, c'est une option à aller tester, mais c'est vrai que par contre, tu perds en défense, quoi, avec le Freddy. Donc, tu perds sidestep, et c'est vrai que moi, j'adorais les sidesteps, donc c'est encore en réflexion là-dessus. Ok. Je vais faire une petite digression par rapport à la suite. Ton roster, parce que ça c'était une discussion qu'on Ouais. savait pas. Ton roster, tu l'as. Enfin, d'où t'es venue l'idée des sidesteps? Alors honnêtement, j'ai comment dire, j'ai testé d'abord j'ai testé avec les dodge tackle et comment dire, enfin les leaders là, sur les chevaliers. Ouais. Et j'ai fait comment dire, et j'ai pas été convaincu, j'ai vu Spartaco jouer justement les glissades contrôlées. Et je les ai, enfin, et c'est vrai que j'ai trouvé en fait que le roster, ça mettait, enfin en y réfléchissant, je trouvais que ça mettait plus en avant en fait les parades. Et comme tu étais souvent en infériorité numérique en fait avec les Bretoniens, bah, ça permettait de plus bloquer le terrain, d'avoir un bon contrôle du terrain avec les glissades contrôlées, justement les parades. Et même à moins d'un, moins un, moins deux, bah, tu le sens moins. Et tu peux toujours quand même mettre une pression. En fait, en jouant vraiment les glissades contrôlées, bah, ça m'a vraiment plu et je me suis plus retrouvé là, dans ce style de jeu que avec le style un peu plus passif, pas passif, mais plus basique, entre guillemets, avec le dodge et le tackle sur les chevaliers. Et Ok. franchement, j'ai adoré. Enfin, en résumé, t'as honteusement pompé, quoi. C'est ça, t'as pompé Oui, c'est Spartaco. ça. C'est ça. Il Ouais, bon, n'y a c'est rien ça. de mal à pomper les plus grands. Ouais, mais. Donc, On te connaît. et je suis tout à fait d'accord. Hein. Moi, personnellement, j'avais joué ce roster. Enfin, j'avais joué contre Spartaco ben, quand on était en équipe avec Simon et ODL et Pilaf. Je sais plus, un tournoi là, juste pendant le confinement ou le premier confinement. Et effectivement, j'avais vu On avait encore parfait, non? On a fait un bon résultat, ouais. Il y a Oui. une certaine constance à un moment, hein. Il y a un point commun sur Ah les bah. équipes qui font de la paire, je pense. Effectivement, j'avais eu beaucoup de mal avec ce roster en face. Bon, en plus, c'était Spartaco, hein, je veux dire, voilà, tu mets pas entre toutes les mains, c'est pas n'importe qui, mais il m'avait rendu la vie bien compliquée. Ok, donc merci. Olivier, justement, à toi Ouais, donc. j'ai un créneau de 2 minutes avant l'arrivée du prochain métro, un peu le pire. D'accord. Du coup, pour un début rapide, j'ai joué la sécurité en prenant mes petits Skaven avec Glarp, que je connais très bien et qui est probablement mon champion préféré. J'étais tenté par Trick, j'ai pas encore abandonné l'idée. Il apporte tellement de pression, de changement au jeu que rien que pour ça, il est intéressant. J'ai été surpris et désagréablement par le match-up avec les Bretonniens. Donc ça m'incite à réfléchir, à bouger un peu mon roster. J'ai fait un mauvais calcul pour moi. Quand on joue du léger, je le répète sur tous les forums tactiques Skaven et Sylvain, il faut absolument mettre un bestiaire. J'avais pas trouvé de solution pour le mettre là. Et puis en regardant toutes ces compos, j'ai pu en trouver une qui intégrait la potière et sans perdre beaucoup dans le joueur, sans mal avoir à faire. Donc c'est vrai que ça va être un. Enfin, il y a de la prise en compte à faire. Enfin, le roster Skaven est ultra compétitif et ça fait partie des meilleurs. Après, surtout dans l'état actuel, après il va falloir que je teste les différents groupes. Clairement, c'est ça qui va compter dans les semaines et les mois. Merci, merci d'avoir coupé ton son à l'arrivée du métro. T'entends déjà plus avant. En résumé, Crick est meilleur, quoi. Ah, C'est un mélange entre la peau. ça, c'est qu'il a testé plusieurs compos. Il s'est rendu compte qu'il y avait une compo avec Apo qui pouvait fonctionner. Et il aurait sûrement préféré, parce que justement, avec ses joueurs importants comme le Rogue ou comment ça s'appelle, le Blitzer Tête Châtaigne, Ouais. bah, ça aurait pu plus faire le taf. Enfin, plus. Cric. Ça peut Cric, lui, cric. Ou cric. ça peut être une option, ça aussi. Cric. Il faut voir, effectivement. Ok, bon. On va passer à la question suivante. Oui, question de Pilaf. Auriez-vous préféré jouer sans les du lac? Ah, pour le Ah, coup. non. Ah, mince. Ah, mince, c'était pas ma réponse. Non, avant le goût, non. Ah, c'était Non, mais plus. moi, ça va, je suis immunisé maintenant, donc c'est bon. T'es sûr? Ouais. Bon, d'habitude. Écoute, moi j'étais très content, c'était le deuxième tournoi, on avait fait un rugball avec Olivier et Sam qu'on avait invité chez Epilou, ils avaient gentiment accepté, c'était globalement bien passé. Donc non, c'était très bien avec eux, j'étais très content. D'accord. Ah, c'était plus par rapport à la. C'est une petite reprise de questions, semaine dernière question, c'est moi qui ai repris la question par rapport à la semaine dernière où Pilaf avait tenté en demandant s'ils n'auraient pas préféré jouer avec les Dulac. Voilà, c'était juste ça. Je te laisse poser la question de Tira, Fox, vas-y. Pourquoi s'appeler MVP? Non. Alors nous c'est Ouais, Lim. c'est. T'as pas la même. Oh, J'ai C'est pas la Lim. même. Ah mais t'as traduit. Oh, le journaliste qui pose ses questions, quoi. J'ai rien traduit, pourquoi s'appeler Pourquoi Citron? s'appeler Citron? Mais parce que en fait je suis sur les vieilles questions. Non mais on répond pas aux questions de Tira. Mais si. Il faut les expliquer. Ouais, bah déjà, il faut expliquer que lime avec un E à la fin, alors qu'il n'y en a pas, ça veut dire citron. Enfin, voilà. Lime signifie lost in the melons, puisque le pauvre Alex se retrouvait au milieu de trois melons. Mighty melons. Donc, j'étais invisible, quoi. Voilà. Pour le lime. Ok. C'est très, très fruitier, tout ça. Hop, question suivante. Allez, on va revenir aux questions Vas-y. Sérieuses. Question de Manx qu'il a posé la semaine dernière, mais que j'ai reprise ici. Au vu des matchs du Final Four, pensez-vous travailler l'OT et l'anti-OT, enfin le one turn et l'anti-one turn? J'ai pas trop regardé si vous aviez des soucis à ce niveau-là, vous. J'avoue, j'ai pas fait gaffe. Non, mais il va surtout parler de mon match contre Spartaco où je prends un one turn tour 16. Ah oui. Où effectivement, je fais une erreur de placement parce que sur un loss, je mets pas mes gros, en l'occurrence Carla et l'autre. Ouais. Mais voilà, je pense que c'est pour ça. Bon, encore une fois, je répète, c'était pour l'instant, c'était un roster qui était en rodage. Et effectivement, on apprend ces petites erreurs. Non, mmh. Mais il a quand même chaté la gorille du fond des bois. On a prévu quand même une séance de tableau noir à un moment sur ce. Ouais. C'est un point faible. C'est le genre de point où ça fout les boules de se préparer, de faire des maths, etc. Et tout, puis de se retrouver à l'euro avant dernière ronde et de perdre la ronde ou de faire match nul parce qu'on s'est pris en winter alors qu'on aurait pu optimiser un peu plus. Sur les rosters qu'on va emmener, je pense qu'on essaiera d'être le plus carré possible sur les situations possibles et afin d'éviter de prendre ce genre de mauvaise surprise. Ça méritera un PowerPoint lors du prochain rassemblement. Ok. Pose la question suivante, Fox. Oui, question de Justy. Avez-vous réussi à créer de la collision sur cet event online? Bah, clairement, la question. Ouais. Au sein des limes, oui. Enfin, entre nous, puisque là, on était en deux équipes de quatre. C'est clair que ce genre de compétition, ça soude, ouais, tout à fait. Bon, après, on attend impatiemment les vraies compétitions IRL pour vraiment voir notre comportement en situation réelle, on va dire. Mais en tout état de cause, ce genre d'événement en compétition par équipe, même en virtuel, c'est bien pour la cohésion. Ouais. Surtout quand on a des résultats, ça favorise le truc, c'est sûr. Ouais, non, moi je trouvais que c'était bien aussi. Je plus soit à 100% notre ami Clément. Mmh. Après, ça va, les melons ouais, étaient pas trop entre eux et te laissaient pas trop de côté, Miata? Non. Ça va, ils étaient sympas, ils ont été gentils. Non, mais il faut le dire, hein, hésite pas, tu peux le dire là. Non, mais je peux le dire, non, mais ils étaient gentils. Ils étaient gentils. Ouais, ouais. Ça fait bizarre. Bon, après, Clément, il est gentil à sa manière, on le sait, mais il est gentil quand même. Et... En fait, on attendait une chose, c'était le faux pas pour pouvoir lui tomber dessus, quoi, mais il a mis le temps pour le faire. Quoi. Ouais, bah oui, et puis il n'y avait plus besoin. Et puis c'était plus grave pour le coup. Donc, ouais. Bon, Olivier, Sam, un truc à dire ou... Ouais. Oui, vas-y. Bon, perso, en tout cas, moi je sais que je connaissais un peu quand même Alex et Clément déjà de base, enfin, je connais en vrai. Et en même temps, avec les week-ends aussi de cohésion, c'était sympa. Donc, enfin, c'était vu aussi en vrai à ce moment-là. Donc, c'est vrai que ça avait aussi aidé pour la cohésion. Mais c'est vrai qu'on a retrouvé aussi un certain groupe là-dedans lors du tournoi. Et c'est vrai que c'était sympa de tous s'encourager, de faire des trainings ensemble, préparer les matchs. Enfin, c'était sympa. Ok. Il y a eu entraînement online entre vous juste pour cette compète. Spécifiquement à cette compète, je veux dire. Ouais. Ouais, des matchs de préparation, un peu des matchs de préparation, certains trucs. Ouais. Il y en a eu. D'accord. Ouais. Eh ben écoute. Et notamment aussi, ce qui était bien, c'est qu'on restait pas que entre guillemets entre limes, on était, comment dire, il y avait tout, enfin, on mixait entre guillemets entre deux équipes. Enfin, chacun était disponible à sa manière et puis voilà. D'accord. Ouais, ce qui est bien, c'est qu'à la fin, quand on pouvait, on faisait des trainings quand c'était opportun. Mm-hmm. Mais en tout cas, de manière encore plus systématique, il y avait souvent des débriefs personnalisés. Avec un ou deux coachs et le coach concerné pour analyser un peu les matchs, les points à améliorer, les points à perfectionner, etc. Et ça, c'était vraiment intéressant et ça a été super bien vécu par l'équipe, je pense. Ok. Ben Clem, tu parlais de tout à l'heure de vis-à-vis. Donc on va arriver justement aux questions qui portent sur l'Euroball maintenant. Tac, je vais faire comme ça parce que sinon c'est chiant que ça se mette pas automatiquement. Bon, faut que je commence. Donc question de Pilaf que je voilà. Selon votre état de forme actuel, d'après vous, quelle place auriez-vous eu si l'Euroball avait eu lieu ce week-end? Grosso modo, c'est pour moi c'est du pifomètre. Hein. C'est d'après vous. Est-ce que vous auriez fini troisième quand même? Est-ce que vous auriez pu faire mieux? Moins bien. Moi personnellement, je pense qu'on n'aurait pas été à la rue. Après, c'est difficile de tirer une conclusion sur une compétition comme ça, C'est parce clair. que on a vu que par exemple les Anglais sont arrivés avec des rosters à la One Again, ils avaient du Vampire, du Nurgle, j'en passe. Ils étaient clairement pas à fond. Les Italiens n'étaient pas forcément prêts, ils ont aussi sorti des rosters un peu bizarres et qui ont plombé d'ailleurs certains de leurs résultats. Donc, si le tournoi avait eu lieu avec les forces en présence telles qu'elles étaient, avec des rosters un peu à l'arrache, on s'en serait bien sorti, c'est sûr, mais je pense pas que dans la compétition officielle, il y aurait eu autant d'approximations et les équipes auraient été beaucoup plus consistantes, je pense. Donc après, bah, on aurait été dans le top 3, j'aimerais bien dire. Avis partagé, je pense. Ouais, Moi pas j'aurais je connais pas le niveau de l'euro, 3 alors. top 5, c'est ça. Bah après, clairement, c'était cette compète-là, c'était l'Open Online. C'était Il y a de tout, hein. pour le coup, c'était proche de l'Open, c'est-à-dire que tu avais quand même une grosse hétérogénéité dans dans les niveaux des coachs. Ouais, non, je te confirme. Pour autant, ça n'assurait pas des résultats constants, mais clairement, voilà, il y avait des matchs qui étaient simples. Et puis de temps en temps des matchs un peu compliqués, ça ressemblait vraiment à ce que peut être une compétition comme l'Open, quoi. Alors que l'Euroball, clairement, bah, tu prends 6 matchs difficiles, quoi. Après, là, il y a en plus le côté, le fait qu'on était séparés dans quatre compétitions différentes, donc on n'était même pas par équipe, ce qui fait qu'on pouvait parfois se taper le même roster ou ce genre de choses, ou voir des, comment dirais-je, des coachs avec des valeurs vraiment très différentes. Donc c'est vrai que c'est un peu différent. Ok, alors on va passer à la question suivante. Ce qu'on peut dire, excuse-moi Oui, aussi, juste vas-y, pour vas-y. rajouter quelque chose, c'est que vis-à-vis de la préparation qu'on a pu faire en amont, du choix des rosters aussi, on ne s'est pas beaucoup planté, quoi. Il y a un ou deux trucs qui vont pas, genre Yvan en vivant, par exemple. Mais dans l'ensemble, sur les choix des rosters, on est assez content, quoi. On n'a pas fait de gros trous. Bon, on avait deux elfes sylvains, mais ça, on va le corriger. Mais ce dont on est satisfait, c'est ça, c'est que sur notre appréhension du metagame et sur le choix de roster, on est plutôt, à mon avis, sur le bon chemin en tout cas. D'accord. Ça, Après, c'est comme bon. tu dis, enfin après, vous aviez deux elfes sylvains et en même temps, c'est ce genre de compète, c'est pas mal. Ça vous permet justement de tester deux mecs sur le même roster. Enfin, je sais pas, c'est peut-être ça l'idée, et de voir qui s'en sortait le mieux ou s'il y en avait un qui se sentait mieux ou ce genre de choses. Non, c'était l'idée ou pas? Oui, c'était ça l'idée, C'était hein. l'idée? D'accord. C'était d'avoir le tournoi pour débriefer après. Après, on a débriefé tous les deux avec Silcoon sur nos sensations sur le roster, sans forcément parler des résultats intrinsèques. Oui, parce que c'est pas. Et de la polyvalence à côté, quoi. Ok. C'était le but, il était là, hein. C'était qu'à la fin du tournoi, il fallait qu'on ait choisi un Sylvain, quoi. D'accord. Enfin, Très bien. un des buts. Oui, enfin oui. Évidemment. Très bien, très bien. Question suivante, Mr. Celle Fox. de Pilaf encore. Il Suite l'a à ce pas. tournoi, quel changement dans votre roster envisagez-vous de faire? Et quel roster vous fait peur et quelle nation? Alors, pour la première question, vous avez déjà répondu finalement. Donc on va se focaliser sur la deuxième, je pense. Quel roster vous font peur? Oh là là. Là, pour le coup, je devais corriger, je ne l'ai pas fait, c'est ma faute. Vous font peur. Et quelle nation? On va le mettre au pluriel aussi. Oui, c'est vrai que tu projettes les questions Oui. sur Twitch. Mais pour que les gens sachent à quoi vous répondez en fait. Voilà. Yes. De quoi vous parlez, peut-être pas mal. Pour ceux qui auront que l'audio, ce sera plus compliqué. Eh ben, Miata, vas-y. Alex, quel roster? Alors moi j'aime pas les derbies. Déjà parce que Frenetic me met derrière face à un tackle, ouais. Et c'est souvent pris par les Sylvains. Et ça reste quand même un petit peu pile ou face quand même. Comparé à un derby classique, comme on disait avec Kevin, quand t'es au-dessus, quoi. Enfin, petit à petit, finalement, ça te permet de prendre le dessus, alors que le Sylvain, ouais, même si t'es pas au-dessus, des fois, en derby, ça passe pas, quoi. Enfin, ça peut passer. Bon, après, c'est la force du Sylvain aussi dans tous les matchs, hein. Et après, les nations, bah, c'est Italie-Angleterre, je pense, hein, qui sont les plus à redouter. Et après, moi, j'aime pas jouer Morvan. Là, j'en ai pas joué, tant mieux. Donc, j'ai fait un training spécial Morvan avec Arty, donc ça se tombe très bien. D'accord. Moi, j'aime pas ce Foster. J'arrive pas à bien l'aborder avec les Sylvains. J'aime pas jouer contre, ouais. Ouais. Ok. Ouais, ça marche pas bien. Clem. On commence par quoi ? Par les. Quel roster te fait peur et quelle nation ? Bon, alors moi, je joue le roster humain qui est à peu près armé contre pas mal de choses, qui est assez polyvalent. Par contre, je pense que ce qu'a montré le tournoi, c'est qu'il y avait un roster qui était vraiment pété, c'était Bretonien Beau. Clairement, c'est pas drôle de jouer contre, c'est vraiment très très fort. Donc celui-là, je les placerai dans les rosters relous. Voilà, après non, après tout s'appréhende. Il y a le roster Kemri qui est assez chiant à jouer, surtout quand ça foire pas. Roster Kemri, enfin je les ai pas joués d'ailleurs sur cette européenne, mais j'avais eu l'occasion de jouer contre Elborg en Tour de France, et je pense que c'est vraiment un roster bien pénible à affronter. Après, dans les nations, ben, Alex a dit les deux principales, je rajouterai les Allemands aussi. Les Allemands, faut se méfier. Je pense que c'est une nation qui monte en puissance, ils ont fait des résultats très corrects à la World Cup, là ils étaient encore présents vers le playoff. Donc ça, c'est une équipe, à mon avis, qui est un peu moins kermesse qu'elle ne l'était à un certain moment, et qui sera dangereuse. Voilà. Et puis après, bon, mais les Suisses ont gagné, mais je pense que le format par équipe un peu restreinte en nombre leur a été favorable. Je pense qu'en équipe de 8, ils seront plus prenables. Donc 30 points faibles à 8, ouais. Ouais, bah disons que les 3-4 gros coachs, effectivement, ils peuvent les trouver facilement. Après, pour en avoir 8, c'est plus difficile pour eux, quoi. Ils ont moins de réserves. Ouais. Bah, la preuve, hein, c'est que leur quatrième était quand même bien en dessous des 3 autres, d'ailleurs, en résultat, il me semble. Hein. Leur elfe noir, si pas, je me demande sur les 8 matchs, il doit faire 4 défaites, je crois. Donc voilà. D'accord. Pour ce qui est des nations. Olivier, Sam, lequel des deux ? Selon les possibilités d'Olivier. Ouais, bah moi je suis. Sam, Olivier, t'es dispo ou pas ? Ouais, bah moi je suis là. Du coup, moi perso, déjà il y a le derby Brotobo. C'est vrai que là-dessus, il suffit que le beau il fasse de la magie ou quoi que ce soit. Et ça peut vite retourner aussi un peu le match-up. C'est sûr que les elfes sylvains. C'est ça. Les elfes sylvains. Les elfes sylvains, bah, après, vu que, même si. Comment ça s'appelle ? Même si beau à sidestep, c'est jamais trop grave. Enfin, il peut toujours y avoir des rebonds dégueu après. Enfin. Je trouve que ça limite un peu quand même la magie du ressort sylvain, le fait qu'il ait cette step beau. Et moi, ce que j'aime pas, c'est les MV, justement les morts-vivants, parce que dans le sens où, en fait, c'est un peu ligne contre ligne, et sauf que là-dedans, les MV, ils ont les châtaignes, quoi. Donc t'as plus tendance à sortir. Et c'est vrai que ça peut être assez compliqué, ça peut vite se complexifier, quoi. Donc voilà. Après, en termes de nation, alors moi, là-dessus, j'avais pas trop regardé. Et par rapport aux Espagnols, je crois qu'ils n'étaient pas trop présents dans le tournoi. Non, ils n'étaient pas là. Parce que justement, enfin, et c'est sûr qu'il va y avoir les Italiens, les Anglais et tout ça, mais les Espagnols, ils peuvent peut-être aussi. Enfin, on ne sait pas trop à quoi s'attendre avec eux. Donc, enfin, c'est sûr que quoi qu'il arrive, on met les Allemands, surtout les Italiens. Moi, je mettrais surtout les Italiens en première place, mais ouais. Là-dedans, dans ceux qui font entre guillemets le plus peur. Mais après, ça serait plus ça serait anglais, Allemagne et peut-être espagnol, du coup. On sait pas trop à quoi s'attendre. Ok. Bon, Olivier, je sais que c'est compliqué pour toi, mais est-ce que tu vas y arriver ? Ouais, je vais y arriver. Vous m'entendez là ? Ouais. Allô ? Oui, on t'entend. On entend le vip. Ah, mais il s'est fait fermer la porte, allez. Bon, ben. C'est de choper le téléphone, là. bon, ben, c'est pas grave, écoute, on va revenir. On reviendra à la question pour lui tout à l'heure. Allez. Question tu le casses. Est-ce que le roster nain ferait un bon 8e roster avec, par exemple, le meilleur marqueur nain de la dernière Coupe du Monde aux commandes, qui a quand même mis 14 TD en 9 matchs avec des nains, je rappelle. C'est pas rien. Donc, est-ce que les nains, ça pourrait, d'après vous? Non. Un peu trop lent, ouais. Enfin... C'est trop lent. Non, non plus, ouais. C'est une galère, hein, surtout qu'ils sont tiers 1, 5 comp. Compliqué. Hein. Ouais. Pas beaucoup de vitesse. Ouais, c'est ça, à 8 rosters, enfin, 8 rosters avec autant de tiers 2 qui peuvent, comment dire, qui sont assez intéressants. Bah, c'est vrai que non, pour moi, ça passe. C'est plus dans le top 10, top 12 même. Top 12. Ah, je pense qu'il va être un peu déçu. Faites gaffe à la prochaine ronde du Tour de France, à mon avis, ça va le se passer. Mais il devrait faire la finale contre les déchus, là. Comment ? Ils doivent faire une finale contre les déchus, l'équipe à Tulkas, non ? Une finale ? Ben non, ils ont pas encore. Enfin, vous n'avez pas encore perdu contre les déchus, c'est pas fini. Ça va arriver, puisque ça, c'est ce qui était prévu, mais merde, putain, je devais pas le dire ça non plus. Non, mais par contre, quels sont, parce qu'on en a discuté la semaine dernière avec la MVP, quels sont pour vous les 8 rosters? C'est une question complètement annexe. Quels sont pour vous les 8 rosters ou 9 rosters de l'Eurobowl qu'il faut avoir? Faut que ça rende réponse. Là-dessus, c'est pour tout le monde. Mais vas-y, William. Pour moi, c'est les rosters qui ont été choisis. Tu rajoutes Elfe Noir, Lézard, Nain du Chaos. Et t'as plus ou moins fait le tour. Ah, pas de Chaos Pact alors. Bah, vous avez dit non. Je vois oui, mais on parle pour toi. Ah, bah, je vois personne, effectivement. Ah ben c'est à prendre en premier alors. mais toi Alex, c'est quoi pour toi ton top 9 ou... Moi je mettrais pas les morts vivants dedans. Ah oui. Et ouais, je crois que je l'avais classé 9e quand on avait fait le classement des... Donc dans le top 9 il doit y être. J'ai mis les 3 elfes, les nains ducs, parce que je trouve que dans la méta c'est vraiment fort, même si c'est très compliqué à jouer. Brotobo, bah après les autres qu'on a pris là, humain, ouais. Avec son tacle châtaigne et Skaven. Donc NDC et plutôt NDC et Elfe Noir, quoi, pour le coup. Ok, d'accord. Ouais, Clem ou Olivier, hein, Olivier, moi, surtout si t'as l'occas, tu parles, hein, tu dis moi je veux parler. Il s'est fait voler son portable, c'est plus lui là. C'est plus lui. Ah, merde. Il est de l'autre côté du métro. Moi personnellement, je prendrais ni les morts vivants ni les elfes noirs dans le truc. Ah oui. Je prendrais homme lézard et nain du chaos en l'état actuel. D'accord. Alors moi vu comment Silcoon se débrouille avec les MV, je prendrais MV directement. Et non, plus sérieusement. moi, j'ai eu peur que tu sois sérieux pendant un temps. les MV, ça me faisait plaisir. Non, mais après, c'est trop bien que je rigole. Mais bien sûr. Non, plus sérieusement, les MV, pour moi, ils arriveraient quand même dans le top 8, mais plus vers... Enfin, c'est vrai qu'au final, je les voyais plus genre dans le top 2, top 3, mais c'est vrai qu'avec leur manque de comp, ils se les mettraient plus dans le top 5, top 6, parce qu'ils gardent quand même leur domomie, quoi. Moi, c'est les elfes noirs que je sortirais un peu, que je mettrais top 8, top 9, et avec les lézards, à peu près, enfin, 9, 10, ouais, je mettrais lézards, elfes noirs, et les nindus, quoi, je les ferais plus rentrer, parce que c'est vrai que dans une méta comme ça, assez légère, avoir les tacles de côté, c'est vrai que ça peut être intéressant. Brotobo, bien sûr. Elfe Sylvain, ouais. Amaz Roxana, ouais, bien sûr. Et comment dire. Et après, ouais, c'est vrai que tout ce qu'on a joué, sinon, à côté. Mais c'est vrai que ça serait plus au niveau des elfes noirs et lézards, je trouve que ça serait genre 8-9, quoi. Ça serait complexe à comment dire. Merci, point. Oui, non, comment dire, à départager. Et ça va dépendre des coachs. Ok. Olivier, tu peux parler ou pas? On va dire que non. Ouais. Ok, allez, question suivante. 4 stations, me dit-il. Très bien, 4 stations. Question suivante de Pilaf, Fox. Oui. Vous auriez aimé un euro au format Blood Bowl saison 2, donc Blood Bowl 2020, ou vous préférez rester au format 2016? Format actuel. Ça, c'est Moi, je bien de préfère répondre à cette 2016. question. Ça, c'est bien de répondre à cette question, parce qu'ils ont dit tellement de conneries la semaine dernière. Non, mais sérieusement, là, on parle de l'Euro Bowl, donc qui est une, je ne sais pas si on peut dire ça, une compétition compétitive, entre grands guillemets. Là, Blood Bowl 2020, on est sur des règles qui sont expérimentales pour le moment, qui ne sont pas testées, qui ne sont pas maîtrisées par quiconque. Ils sont même pas finis, hein, je te rappelle. Du coup, si on veut une vraie compétition avec du vrai beau jeu, il faut rester impérativement au Blood Bowl 2016. C'est bien ce qui a été fait. Donc, moi, personnellement, je suis très satisfait qu'on soit resté en 2016. Alors pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, l'avis de Maël notamment, mais qui était assez partagé, c'était qu'il aurait voulu passer complètement à BB 2020 et oublier, enfin voilà, on oublie les autres règles et comme ça on joue tous avec le même Blood Bowl et on fait pas une année avec deux types de règles selon les tournois. Voilà, c'était ça, Moi, je c'était ça partage l'avis de la Clément, question. à 100%. Bah, c'est vrai que ça va être un peu chiant de jongler entre les deux les roulettes, entre guillemets. C'est vrai qu'on a été plutôt préparé pour le 2016. Comment dire, et vu que ça change un peu entre le 2020 et 2016, bah, c'est vrai qu'il faut mieux rester sur ce qu'on connaît, quoi. Et donc vous allez focus les tournois 2016-2020, enfin que 2016 pour pas prendre de mauvaises habitudes, bah, c'est ce que disait Maël d'ailleurs, ou ça va, vous arriverez à faire la part des choses? On va Bah, moi. focus les tournois par équipe pour vivre ensemble. Déjà, ouais. D'accord, déjà, c'est Moi, bien. personnellement, je vais focus les tournois, quoi. S'il y en a qui se tiennent, je serai là. Oui, c'est vrai que c'est pas comme si on allait avoir beaucoup de choix cette année encore. Déjà, il va falloir que le tournoi se tienne et qu'on ait des places. Ok, très bien. Donc, il y a une scission là dans le DF, là pour le coup. Ah, bien Et sûr. ouais. Bon, Il encore une revient, lui. fois, hein, pas Comment? trop écouter ce petit la colonne 2. Hein, Oui, non, mais bien sûr. hein. Allez, Tour de France. Je te laisse poser la question, monsieur Fox. Vas-y. Alors, Sam, mais tu te contentes de ton match avant-hier? Ah non, c'était pas celle-là, mais d'accord. Est-ce que c'est toi? C'est ta question, Il n'y a ça. pas une autre D'accord. question? C'est pas la voix de Fox, ça, si? Ah, Alors, Sam, ce match, dur ou compliqué? ce match a été compliqué. Ouais. Bah, j'ai voulu tester. Au final, j'avais testé un peu, mais j'ai voulu mettre en. Comment dire? J'ai voulu tester, ouais, le frénésie là, sur le Blitzer. Ouais. Et à côté en attaque, bah, je suis pas très content de mon attaque parce que je mets trop de temps à partir. Enfin, je me focus trop sur le Blitzer Step Dodge. Aussi. Avec Street Ball là, qui est Ah par non, moi terre. je trouve. Donc, je. Attends, là, enfin, moi je trouve que t'as très bien fait de l'écraser pendant 3 tours là. C'était une très bonne idée. Ouais, mais le problème, c'est que je ne suis pas resté 3 tours, je suis resté 4 tours, je crois, dessus. 4 Oui, tours, et du c'est coup, ça après, fait oui, que mais. c'est un tour de trop. Le problème, c'est que du coup, je suis en retard. Et après, quand je commence à me positionner pour aller attaquer, bah, comment dire, je peux m'avancer un peu plus, et au final, je reste un peu trop au fond du terrain. Donc, là-dessus, ça, je pense que c'est une sacrée erreur. Après, c'est vrai que j'étais un peu en sur. Enfin, j'étais à plus 2, il me semble, à ce moment-là. Bah, c'est dommage, quoi. Après, je tente l'action avec Beau parce que justement il n'y a personne en plus de marquer, mais c'est vrai que je dois plus couvrir. Et même, j'ai pas besoin de mettre deux garde au corps à corps, enfin au contact. Je peux juste mettre un garde et un paysan pour éviter au cas où justement des sorties publiques. Et ça, déjà, ça peut changer un peu le match. Et après, en deuxième mi-temps, bah, je cours un peu après le ballon. J'ai une opportunité justement tour 8. Et au final, comment dire, je la loupe. Mais c'est vrai que le fait de pas avoir le deuxième sidestep en défense, ça, je l'ai un peu plus senti par contre. Ouais, bah oui, Même s'il a été forcément. utile, hop ça, oups. Il y a eu Même mort. s'il a été plutôt utile, ouais, non, c'est bon. Mais comment dire, même s'il a été plutôt utile, le frenzy, parce qu'il y a plusieurs fois où justement il flash au deuxième bloc et comment dire, et il sort ou même il stun. Enfin bref, le deuxième bloc est assez utile, mais c'est vrai que perdre le deuxième sidestep, c'est sur le blitzer, c'est quand même assez contraignant, je trouve. Donc soit il va falloir que je m'y habitue, soit je vais revenir au double sidestep et je vais réfléchir. Ok. Ok, bon bah ça faudra voir effectivement. Et la question que je voulais vous poser à la base, c'était qu'est-ce que vous pensez justement du Tour de France? Et quel est votre avis sur cet event, hein, quelque part au long cours, sachant que bah, ça vous demande du temps et de l'investissement. Ah, il est sorti du métro. Je suis sorti du métro. Les joies de la campagne parisienne, avec les oiseaux qui chantent et le vent dans les cheveux. Eh ben Olivier, vas-y, commence alors. Qu'est-ce que tu penses du Tour de France et quel est ton avis là-dessus? Moi, je trouve que le fait qu'on soit arrivé à 11 étapes de Tour de France, si je ne me trompe pas, c'est déjà. Ça prouve déjà en soi le bien fondé de cette opération. Je trouve ça génial de pouvoir faire des matchs, du trash talk, etc. Ça fait en plus un peu d'exercice. Je trouve que pour les joueurs de l'équipe de France, il y a vraiment un côté envie de réussir, parce que on n'a pas envie d'être ridicule devant la communauté. Bon, même si les deux d'hier soir n'ont pas trop compris le concept, ont un peu oublié. Mais du coup, le truc, c'est que ça permet vraiment de travailler les rosters, faire différents tests sur nous, etc. Puis impliquer tout le monde aussi. Et pour moi, l'implication de la communauté dans l'équipe de France, c'est une condition sine qua non à sa réussite. Donc c'est vrai que moi je suis très très satisfait de cet événement et bien content d'y participer. Ok, merci. Clem ou Alex ou Sam? Non, mais c'est sûr, ce qu'a dit Olivier, quoi. C'est super de faire des matchs comme ça, parce qu'en plus, c'est des matchs qui, mine de rien, mettent un peu de pression sur la tête. Attends, je vais baisser le micro d'Olivier parce qu'il nous tue. Vas-y. On souhaite quand même faire bonne figure, et donc, c'est intéressant. Et puis, ça mobilise la communauté, donc ça, c'est toujours cool. Je pense que les équipes concernées, c'est sympa pour eux aussi. Et puis, c'est une très, très bonne chose, une très bonne idée de mettre Tulka, c'est qu'il faudra continuer. Enfin, c'est de pérenniser, ouais. Ok. Et en même temps, ça permet de jouer contre les copains, contre les personnes qu'on connaît moins aussi, donc c'est aussi c'est intéressant aussi. Et c'est vrai que ça implique vraiment tout le monde. Ok, bon bah c'est cool. Ouais, puis tu fais des tests avec quand même de l'enjeu, quoi, donc c'est pas mal, hein. Parce que t'as pas envie de perdre, toi, c'est pas vraiment un match d'entraînement, même si tu fais des tests. Ouais. Oui, tu vas pas te permettre d'aller jouer n'importe quoi, c'est clair, on est d'accord, ouais. Tu vas quand même essayer d'être un peu sérieux, quoi. Ok. C'était tout. On va revenir maintenant sur le DF en général et sur les questions qui vous concernent en particulier. D'abord une question effectivement juste DF. Vas-y monsieur Fox. Encore une question de Pilaf. Quelles seront les équipes à la Voras si vous avez deux slots et si vous en avez qu'un seul? Alors, c'est pas poser la question si on avait qu'un seul. On a décidé de partir à 8. Ça, c'est après, bien. Si on en a qu'un seul, je sais pas. Normalement, on aura les deux équipes. Et pour l'instant, on n'a pas du tout décidé qui jouera avec qui. Mais ce qu'on va éviter de faire, en tout cas, c'est d'avoir exactement les mêmes équipes que pour l'European. On va essayer de mixer tout ça. D'accord. Ce sera pas MVP et Lim. Non. D'accord. Non. Sinon, ce serait une victoire automatique, ce serait pas marrant. Si vous vous rencontrez, on sait jamais, ça se trouve. Non. Ok. Vous avez des nouvelles sur l'organisation de la Voras? Je sais pas si vous avez des informations. Écoutez, laissez les organisateurs faire leur travail. Dès que nous aurons plus d'informations, soyez sûrs que vous serez les premiers informés. Non, on se réunit demain, on en discute demain. Voilà. D'accord. Comment? Non, mais il y a Castex qui discute demain aussi. Oui. On ne sait pas ce qu'il va nous annoncer, Pépère. Je ferai bien un petit pari sur couvre-feu généralisé, mais sans aucune certitude. Ce serait moi, ce serait confinement là tout de suite, et puis on verra plus tard. Ça ira, ce sera plus court. Mais c'est pas moi qui suis à la tête de l'État, vous l'aurez noté. Aïe. Questions individuelles. Alors, pour Sam, ouais. La première question. Pouk, pouk. La première question. Alors, de Pilaf. Oh, c'est pas vrai. Encore? Ah, mais Pilaf m'a posé plein de questions. Heureusement que j'y ai Ah. là. Bah, il a que ça à Ah, foutre, hein, qu'est-ce que raison. tu veux. Hein. Il Oui. s'ennuie, le pauvre. Non, Qu'est-ce qui fait que tu préfères les Bretons aux elfes noirs? Est-ce que leur force en défense, est-ce leur force en défense qui est un point commun avec les nécros? pour moi, enfin, ce qui se passe, c'est que dans ce format-là où t'as pas de garde avec les elfes noirs, bah, en fait, tu te fais beaucoup plus rouler dessus. Enfin, tu subis beaucoup plus le jeu, je trouve. Enfin, genre, si le mec il décide de te coller, bah, t'es un peu obligé de subir et t'es obligé de te décoller et tout ça. Enfin, t'es obligé de se défendre passivement. Et comment dire? Et c'est vrai que les Brotos, j'ai retrouvé un peu le style de jeu des nécros qui fait chier l'adversaire dans le sens où, en fait, c'est l'autre qui se pourrit entre guillemets tout seul le jeu avec les sidesteps justement. Quand tu retrouves un peu le stand fear, enfin, c'est un peu les golems, enfin, les parades et tout ça. Et c'est vrai que c'est plus un casse-tête pour l'autre et c'est vrai que c'est plus intéressant, je trouve, de jouer justement Broto. Parce qu'il y a plus d'intérêt. Enfin, il y a plus de plans de jeu. Après, c'est vrai que les elfes noirs, ça peut être intéressant quand tu commences à mettre un peu de pression et tout ça. Mais c'est vrai que sans le garde, je trouve que c'est compliqué de pouvoir réussir à mettre de la pression avec tes elfes noirs. Après, et tu es souvent obligé de justement de finir en double rideau ou quoi. Et sachant qu'en plus de ça, j'ai quelques problèmes avec les doubles rideaux. Bah, Ah bon? non, mais vraiment, comment dire, par rapport aux forces du roster, en fait, je trouve qu'il a plus de répondants le roster Brotto. Et ça, comment dire, et c'est vraiment intéressant dans le sens où, contre du léger, en fait, enfin, avec les 4 gardes, bah, c'est toi qui tapes et en même temps, il court aussi vite. Donc, c'est ça qui est intéressant. Après, ça, le problème, c'est que comme l'elfe noir, ça peut aussi sauter dans le sens où tu as des sites d'armure, tu as 8 d'armure. Et au final, même si tu es à 13, bah, t'es positionné, ils sont quand même assez précieux, les gardes, c'est comme ça. Faut les garder quoi. Mais clairement, c'est vraiment le style de jeu dans le sens où tu fais chier l'autre qui m'a bien plu chez les Brotos. D'accord, qui correspond un peu à... Ok. À ce que j'aime bien. À ce tempérament. Faire chier l'autre, c'est le C'est ça. tempérament de Sam. Ok, on note. Exactement. Fox? Prochaine question pour Clément. Non. C'est ça, c'est pour Clément. Pourquoi abandonner Crick? Oh, c'est pas moi qu'il faut poser la question, il faut Et la il y a poser ça à de Olivier. Sebotuno aussi. Moi, je suis persuadé que Ouais. Crick, c'est le champion Ouais. Scaven qu'il faut prendre. Mais voilà, mais faut poser la question à Olivier plutôt. Ben, Olivier est La là question, aussi. je pouvais répondre tous les deux. T'es plutôt pourquoi abandonner Skaven, peut-être alors? Ça joue. C'est un peu là, c'est effectivement. Et Olivier, alors, hein, pourquoi il est passé où, Crick? Pourquoi l'avoir mis sur le banc de touche? Non, mais c'est je suis sur les tournois Fumble, là, j'ai fait un Glart, un Crick, un Glart. Et je suis vraiment. Enfin, il ne faut. Alors, c'est pas parce que c'est Clémenceau qui a eu l'idée qu'elle est forcément mauvaise. Ça joue quand Donc, même, c'est on vrai est d'accord, ça joue. que. Voilà, ça se joue, et comme je le dis, enfin. Moi, j'ai. Alors, déjà, de une, c'est. Et ça, par contre, je conseille à tout le monde, tous ceux qui n'ont pas eu le plaisir d'essayer une star chaîne éboulée. De jouer chaîne éboulée, c'est juste génial parce qu'en fait ça vous ouvre des perspectives de jeu totalement inatteignables en temps normal et c'est vrai que c'est ultra plaisant à jouer ça enfin on voit l'adversaire qui déjoue enfin rien que pour ça en fait c'est un peu comme Samuel hein. C'est rien que pour ce que c'est la différence de jeu que ça crée chez l'adversaire qui se retrouve un peu du coup parfois paralysé qui se demande qui se dit est-ce que je peux placer ma cage là ou pas etc enfin voilà, c'est vraiment génial. En plus, il tape fort. Alors après, le gros problème, c'est qu'il est là qu'une mi-temps. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être sûr et certain que la mi-temps que je joue avec, soit c'est en attaque, je défonce tout, je déroule, je marque tour 8 et j'écrase mon adversaire, ou soit en défense, je compte mon adversaire, etc. Parce que il coûte quand même son. Bon, il coûte pas si cher que ça, mais il vaut son petit montant. Et quand on l'a pas, bah, on rigole moins, quoi. C'est sûr. Donc voilà, donc c'est vrai que si c'est pour faire rocher tour 0, double poskel ou un 2D contre qui tourne mal, tour 2 ou tour 3, c'est dur. C'est dur. Donc non, mais par contre, ouais, vraiment, Crick mérite sa chance et il l'aura de nouveau. J'ai fait quelques matchs tests avec lui là depuis mon arrivée dans le groupe France. Ça s'est pas hyper bien passé. Donc ce qui a expliqué pourquoi j'ai pris Glart pour le tournoi, parce que je me suis dit que. Lillard, j'avais confiance en lui, même s'il m'a claqué un magnifique double crâne sur une action décisive sur mon deuxième match. Mais ça reste un joueur, on va dire, solide. C'est vraiment un champion qui est très, très agréable à jouer. Mais non, Crick n'est pas encore en jeu et il aura sa chance à plusieurs reprises. Et je pense notamment sur des tournois irréels, si on a la possibilité d'en faire, etc. Parce que c'est une star que j'apprécie énormément. Et je remercie Clément de me l'avoir fait découvrir, un peu contre mon gré, mais. Maintenant, aujourd'hui, la découverte est agréable. Mais au-delà, oui. Ah oui, ok. D'accord. Et la question d'après, pour le coup, c'est encore pour Clément. Ah, oh, mais il est amoureux, hein, ce pilaf. Oui. Es-tu devenu le leader de l'équipe du fait de ton statut de champion de France par équipe? Qui a rigolé? C'était Clem? Bah, c'est moi. Ah, c'est toi, je te rassure. Les autres avaient intelligemment coupé leur micro avant de rigoler. Exactement. Je pense que personne n'est au courant de qui est champion par équipe, qui est champion d'ailleurs en 2020. Non, ça n'a rien changé. Quoi? Si, champion par l'équipe championne de France, c'est les LGBT, et ça, c'est super important. Ça fait c'est combien de tournois? Deux tournois? Oh. Bah, hey, 2/3, c'est déjà pas mal. C'est beau. Bon. On a fini le taunt de Pilaf là, c'est bon. Mais par contre, on n'a pas fini avec, on n'a pas fini pour des questions de Pilaf. Hop. Tu fais la prochaine. Allez, je fais la prochaine. Miyata. Comment gères-tu la pression de jouer le roster numéro 1 de ton équipe, sachant qu'une contre-perf pèsera beaucoup sur les ambitions de l'équipe? Je t'explique pourquoi il pose la question. C'est parce que il est censé jouer Elfe Sylvain et donc roster numéro 1 de l'équipe, dans notre équipe en European. Donc, tu comprends que ça l'intéresse particulièrement. Comment tu gères cette pression? Est-ce que tu te drogues? Est-ce que tu bois? Non, je vois que c'est plutôt un sport individuel mais collectif. Donc après, on a 8 matchs. Il faut faire 7 nuls et une victoire, quoi. Donc après, il faut que ça tourne, c'est tout. Hein. Donc après, oui, il y a le roster Sylvain qui doit faire les points que d'autres ne feront pas, mais tant qu'on gagne par équipe, non, vraiment, il n'y a pas de pression supplémentaire à faire en disant, tiens, il faut que je fasse le plus de points, quoi. L'important, c'est que faire les points au bon moment, chacun, quoi. Et puis après, c'est tour par tour, match par match, c'est con, mais je pense qu'il n'y a que ça. Hein. Ouais, jouer match après match. Ouais. Pas se poser de questions. On se prend plus. Ok. Alors, ouais, ok, j'avais une question, mais en fait, j'arrive pas à m'en rappeler, donc c'est pas grave. Tac, tac, tac. Est-ce que tu as revu tes matchs après coup? Enfin, oui, vous avez dit que vous aviez débriefé sur les matchs et tout ça. Uh-huh. Est-ce que tu avais. Alors, moi, je vais te dire, hein, très franchement, on n'a pas du tout la même façon de jouer, Sylvain. Ben écoute, tes résultats parlent pour toi. Hein, donc, moi j'étais impressionné de voir tous les très bons résultats que tu as fait. Donc, déjà, rien que pour ça, bravo. C'était pour savoir si, donc, ouais, t'avais vu, je sais pas, des erreurs, des trucs à modifier. Une envie Oui. On a débriefé chaque match. Le Nécro, on avait deux approches différentes sur la deuxième mi-temps avec Clément. Qui était intéressante et du coup qui donne beaucoup de matière à réfléchir. Le derby Sylvain aussi sur certaines gestions du timing et le fait de dire est-ce qu'il faut défendre quand tu as commencé à contrer ou faut envoyer tout au line. Enfin, chaque match a été débriefé, voire soit des erreurs de placement aussi, la vue des priorités. Après, il faut. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Hein, il faut jouer comme tu le sens aussi, quand même. Je veux dire. On est d'accord. Moi, je peux pas jouer comme Clément ou comme Sam. Je ne saurais pas faire, tu vois ce que je veux dire. Ah oui, bah on a chacun sa façon de jouer. Bah, ouais, et d'appréhender les choses, quoi. Tu sais, si tu demandes à Fox ou à moi comment on doit jouer les elfes pro, hein, Fox, je pense qu'on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Si tu demandes à Nîmes, tu as une troisième vision des choses. Voilà, il y a aucun souci là-dessus, c'est bien sûr. Et pourtant, ça gagne avec chacun d'entre vous, donc c'est bien qu'il y a différentes approches à avoir, quoi. Tu vois, même si le Kun et moi, on n'a pas forcément la même vision du jeu Sylvain tout le temps, donc. Complètement. Je suis tout à fait d'accord. Et du coup, comme t'as pas la même vision, et bah tu fais pas les tours de la même façon, quoi. Ou t'abordes pas le match de la même façon du tout non plus, quoi. On est bien d'accord. Tout à fait. C'est tout pour toi, Olivier. On va passer à toi. Fox, je te pose la question. Ouais. Alors, Olivier, la dernière question de Pilaf. Deux Ah, tournois il par était temps. équipe au format Euro, deux troisième places. Est-ce dû à ton talent pour porter une équipe ou bien à ta capacité à bien s'entourer? À bien t'entourer, pardon. Ou à ton incapacité à aller au-delà, hein. Je rajoute une sous-question, ou ton incapacité à Ouais, aller mais au-delà de la troisième place. bien sûr, après, il me semble qu'à chaque fois, cette troisième place, c'est le meilleur résultat français. Donc là-dessus, il y a quand même une satisfaction personnelle. Voilà. Je pense que dans les deux cas, j'ai été hyper bien entouré. On a, enfin, vraiment avec sur, enfin ouais, sur les deux tournois, c'était bien sympa. Après, non, je pense que le talent du, enfin, mon talent personnel ne peut pas être mis en question suite à ces résultats. Donc c'est vrai que c'est assez agréable. Mais ouais, non, très content vraiment. Et puis c'est vrai que je m'attendais pas du tout. Enfin, on y allait un peu à l'arnaque là sur notre premier tournoi. Et en fait, ça s'est super bien passé, quoi. Et puis on a gratté les points là où on pouvait. Et c'est vrai que là, Miata, il parlait un peu de vision de jeu différente, etc. Et bah, je pense que notre première équipe, elle était, on va dire, basée sur le risque. Et comme quoi, ça paye des fois. Enfin, ça paye pas tout le temps, mais des fois, ça réussit. Et ça prouve que avoir un jeu qui sort un peu de l'ordinaire, ça peut être sympa aussi. Voilà, donc non, vraiment bien cool. Ok. D'autres questions? Là, pour le coup, on a fait le tour. Fox, avait des questions, toi, de ton côté? Ah, bah vas-y, Non, alors, excuse-moi. non, non, j'ai rien reçu. Ah, t'as rien reçu. D'accord. T'avais pas d'autres questions. Bah sinon, si t'avais d'autres questions, ou si quelqu'un avait des questions. Parce que là, pour le coup, il n'y a pas eu. Bah, comme dit, il n'y avait rien d'autre, là. Donc, moi, j'ai rien en stock. Ok. Vous avez un prochain tournoi déjà de prévu ou pas? Online ou pas Bah, online, hein. À part les Voraces, évidemment. la prochaine échéance est de remplacer Willem déjà pour l'équipe. Oui, On effectivement. a commencé les Vous avez réflexions. avancé? Avancer, non, on a commencé les discussions, on va dire. D'accord. Voilà, c'est ça, ça va être la prochaine actualité. Ah, moi, je paye des bières, hein, toujours, il n'y a pas de souci. Ok. Et après, non, les prochaines échéances, bah, c'est les Voraces. On espère que le tournoi va se tenir. Il faudra qu'on essaye de s'organiser un nouveau week-end d'intégration. Mais là aussi, tout ça, on le gérera quand on sera 8, quoi. Bah oui. Voilà. Là, on a appris que la lutte a été annulée cette année. On est un peu triste, évidemment. C'est quand même un rendez-vous intéressant pour le jeu en équipe. C'est sûr. On va voir, on reste à l'affût, on espère qu'il y aura un rugball où on n'a pas de nouvelles du rendez-vous non plus, donc, mais on a bon espoir. Et en tout cas, je pense qu'on se mobilisera pour participer à ces tournois-là s'ils ont lieu. OK. Voilà. En espérant bien sûr qu'il sera en Blood Bowl 2016, hein, mais bon, on verra. Comment? Enfin, en espérant que ce soit en Blood Bowl 2016 et pas en Blood Bowl 2020, enfin, on verra. Oui, pour s'entraîner, c'est quand même un peu plus simple, hein, un peu plus sympa, c'est sûr. Ok. Bon, bah écoutez, Merci beaucoup. merci à Bonne vous. nuit. Ouais. Merci pour l'organisation. Bon, Bah, merci. de rien. Et puis, Merci à toi. alors, demain, il y a un match, hein, c'est ça? Ouais. Du Tour de France? Enfin, ça va pas vraiment être un match, c'est plutôt une humiliation qui est prévue. Davout, il va essayer de prendre moins de 3 touchdowns contre moi, et voilà, c'est ça le plan. Je sens un trouble dans la chatte. Ça va arriver demain. Ça va être demain soir. Je sens qu'il va y avoir des ondes de gravitationnelles de chance qui vont être compliquées Ah bah là. de toute Il y a deux façon, trous noirs de chance j'ai là entre toi et Davouille. Ah bah de toute façon, j'ai un match-up qui est un peu défavorable, je suis obligé de gagner, donc clairement, il va se prendre une torpille, hein, ça c'est sûr. Et c'est Sebo Tounou qui va le diffuser. Et vendredi, Clem, tu joues contre qui? Contre Contre Dalessio. Delicio, qui va faire son premier match officiel sur Fumble, et son dernier du coup. Et après, il fallait se cacher. Pour le coup, c'est moi qui le commenterai. Je sais pas encore avec qui. S'il y a quelqu'un qui veut me soutenir moralement, il n'y a pas de souci, ce sera un grand plaisir. J'essaie de me débrouiller tout seul. Et puis voilà, très bien. Ah oui, et puis il y a Maël aussi qui doit jouer lundi prochain, c'est ça? Il y a Silcoon aussi vendredi, je crois. Ah oui, il y a Silcoon Oui, aussi, ouais. il y a Silcoon vendredi, oui. Multiplex, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ok, et eh ben messieurs, je vous remercie. Voilà, merci. Merci à vous. Hein. Merci bonne pour soirée. Pour je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Stream. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Ciao. Bonne soirée.